pas complètement fou? C'est dingue. Depuis que j'ai gagné au jeu complètement fou, toutes mes copines veulent jouer. Dites-leur de se dépêcher, Michel. Elles n'ont que jusqu'au 18 novembre pour tenter de gagner l'un des bons d'achat ou l'une des cartes cadeaux en achetant les marques partenaires. Au total, 2 millions d'euros sont mis en jeu. Vous avez raison, faut pas traîner. Allez les filles, on file chez Carrefour Market. C'est le mois Carrefour Market. Montant total mis en jeu sur l'ensemble des magasins participants au niveau national. Bon d'achat de 2, 5 et 10 euros et carte cadeau de 50 et 100 euros. Jeu soumis à condition d'achat. Voir règlement du jeu en magasin ou sur carrefour.fr. Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Frédéric Lenoir a interrogé la notion de bonheur et est allé chercher la réponse chez les grands sages de l'humanité. Le résultat s'intitule « Du bonheur, un voyage philosophique » et vient de paraître chez Fayard. Franck Ferrand s'y est plongé pour nous. Bonjour Franck. Bonjour Céline, bonjour à tous. Ma propre lecture, évidemment, ne vous dispense pas d'aller vous aussi chercher cette leçon de sagesse et de bonheur que nous offre Frédéric Lenoir. Alors avec lui, nous allons parler des philosophes antiques et modernes et de tous ces sages qui ont illuminé notre route. Pour commencer, je vous propose de vous raconter à grands traits, forcément, la vie de Bouddha. Et je me suis rendu compte en préparant cette émission que c'était tout simplement une première dans Au cœur de l'histoire. Voilà enfin un sujet dont nous n'avions jamais parlé, et figurez-vous. Oui. Et tout à l'heure, à la fin de l'émission, vous nous parlerez de l'invention des lunettes. Oui, alors je ne sais pas pourquoi, ça me fait penser au nom de la rose, à cause des lunettes que qu'arbore évidemment le personnage principal. Pour le moment, si vous voulez bien, nous allons nous reporter 25 siècles en arrière à la rencontre d'un prince nommé Siddhartha. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Le bouddhisme est une des quatre grandes religions du monde. Il fait plus de 500, même presque 600 millions d'adeptes, qui irriguent essentiellement l'Asie, bien entendu. Le bouddhisme est même religion d'État dans un certain nombre de pays. Hein. Évidemment le Tibet ou la Birmanie, avec des soubresauts, la Thaïlande, le Cambodge, le Laos. Or, c'est une religion sans Dieu au sens propre, nous allons voir jusqu'où, sans sacrement en tout cas, sans église, sans leader, sans pape si je puis dire, quasiment sans hiérarchie. Il faut peut-être clarifier le terme de Bouddha. Bouddha désigne tout homme qui par ses propres moyens est parvenu à l'éveil, c'est-à-dire à la claire compréhension de ce qui pour les autres demeure un mystère. Les grandes questions, hein, qui sommes-nous, d'où venons-nous, où allons-nous, l'éveillé, celui qui est arrivé à un certain stade, est Bouddha, en quelque sorte. Alors, ce courant de spiritualité est né entre l'Himalaya et la vallée du Gange, et ses débuts se confondent avec l'histoire d'un prince qui va tout abandonné pour chercher sa vérité. Il est né vers la fin du 6e siècle avant notre ère. Il s'agit donc d'un prince qui répond au nom de Siddhartha et qui bientôt va se nommer Shakyamuni. La tradition veut que sa mère, Maya, ait fait un rêve. Je dis bien c'est la tradition parce qu'il faut constamment distinguer dans cette histoire du Bouddha, dans cette histoire de Siddhartha, entre ce qui relève directement des premiers témoignages et puis toute l'énorme tradition qui est venue se greffer dessus. Nous y viendrons tout à l'heure avec Frédéric Lenoir. La mère donc de ce prince a fait un rêve dans le palais de Kapilavatthu. Un éléphant blanc à six trompes l'aurait pénétré en son flanc droit. Et 10 mois plus tard, par une nuit de pleine lune, elle aurait donc donné naissance au futur Bouddha. On est aux alentours de 558, à Lumbini, ce qui aujourd'hui s'appelle Roumindel. On lui donne le nom de Siddhartha, ce qui veut dire « celui qui atteint le but ». 7 jours après la naissance du prince, sa mère meurt. Et elle meurt, selon les vieux textes, de joie. Elle meurt, c'est plutôt l'idée, je devrais presque dire, qu'elle se consume dans la joie. Car elle savait, nous disent ces textes, que ce fils, conçu sans souillure, serait un jour le pur, le bienheureux, le Bouddha. Il va donc être élevé en vérité par sa tante, qui est la sœur de sa mère, et la seconde épouse de son père. Elle s'appelle Mahapajpati. Le père de Bouddha est de la noble lignée des Gautama. Et c'est lui qui exerce le pouvoir local. Il a épousé la sœur de Maya, non par amour, nous dit la tradition là encore, mais par devoir et gratitude. Vous voyez, l'espèce de bain dans lequel on imbe la naissance de ce personnage. Encore une fois, il y a presque quelque chose de l'Immaculée Conception dans cette histoire. On a divinisé le Bouddha. On va revenir sur tout ça tout à l'heure. Alors, les sages qui vont examiner le nouveau-né découvrent sur son corps 32 signes fondamentaux et 80 signes secondaires qui en font un enfant tout à fait exceptionnel, promis au plus grand destin. Il sera, disent-ils, un souverain universel ou un Bouddha s'il arrive à renoncer au monde. L'acte de naissance de notre personnage, ou en tout cas la trace de sa naissance, elle a été découverte par un Britannique, Alexander Cunningham, à la fin du 19e siècle, c'était en 1896, justement à Roomindel. Il a découvert une colonne de pierre érigée par l'empereur Ashoka en 244 avant notre ère, donc quand même 3 siècles après l'événement. Et sur cette colonne, on lit « Ici est né le Bouddha Shakyamuni ». Alors l'enfance de Siddhartha est une enfance heureuse, comblée. Son père, évidemment, l'élève, lui donne tout ce que peut souhaiter un jeune prince. Il ne voit pas la misère, la laideur, la souffrance qui sont loin derrière les murs du palais. Il s'agit surtout, dans l'esprit de l'époque, de ne pas ternir l'âme de l'enfant. Il reçoit une véritable éducation princière, disons-le. Son père possédait 3 palais, un pour l'été, un pour l'hiver et puis un dernier pour les saisons intermédiaires, notamment faut pas oublier la mousson là-bas, la saison des pluies. Et puis il y avait des bassins sur lesquels fleurissaient des lotus bleus, dans un autre des lotus blancs, dans un troisième des rouges. Il faut imaginer ces princes qui vivent dans un luxe extrême. Ils sont éventés jour et nuit pour éviter que la poussière ne les touche et que les mouches ne les atteignent. Et lorsque ce jeune prince qui a vraiment vécu une enfance, on va dire, sans ombre, atteint l'âge de 16 ans, et donc l'âge de se marier, il va choisir lui-même sa future épouse et il organise un tournoi pour la séduire en quelque sorte. Il bat tous ses rivaux, notamment dans des championnats d'arc. Enfin bon, on imagine, on est là encore dans une histoire qui est à la fois une histoire princière, mais une histoire arrangée, forcément. On peut dire que finalement, l'existence de ce jeune homme jusqu'ici a été vouée au plaisir. Il n'a jamais quitté ses palais. Il faut l'imaginer se promenant dans les jardins de Lumbini. Alors, évidemment, il voit bien les jardiniers, il aperçoit les paysans en train de labourer la rizière. Regardant les laboureurs au teint flétri par la poussière, au corps desséché par le soleil et la fatigue, le plus noble des hommes en ressentit une compassion profonde, selon un vieux texte bouddhique. Il médite, ce jeune prince, sur la condition humaine. Il devient de plus en plus mélancolique. On le voit visiter la capitale du royaume, donc Kapilavatthu, où il n'était jamais aller. Son père, prévoyant la visite de son fils, a tout fait arranger pour essayer de faire disparaître la misère, mais il n'y est pas arrivé totalement. Et c'est là que la vision de la vie va en quelque sorte modifier ce jeune homme, surtout après qu'il a rencontré un vieillard, un lépreux et un mort en route pour le bûcher. Il se rend compte que ce n'est plus possible de vivre comme il vit, dans cette espèce de luxe, de jouissance, de plaisir et surtout d'ignorance. Alors, il va décider de tout quitter. Il est âgé à l'époque de 29 ans, ce qui n'est pas du tout un hasard d'ailleurs, on est en 529 avant notre ère, et en pleine nuit, Siddhartha va quitter son palais, il s'est coupé les cheveux, il laisse ses plus riches vêtements et le voilà parti seul en direction du sud. Il va parcourir le royaume à pied, quand je dis à pied, pieds nus bien entendu, il faut l'imaginer, le crâne rasé qui mendie pour manger. À chaque rencontre, il demande « Connais-tu le remède à ce mal, la vie ?» Il va rencontrer le Rishi Udaka dans la capitale du royaume de Magadha et il reçoit le sage enseignement. Hein. Il devient lui-même yogi. Il s'astreint à des exercices de plus en plus difficiles. Il va lui falloir en tout 6 ans pour parvenir, non pas jusqu'à l'illumination comme on le dit habituellement dans la tradition occidentale, mais pour parvenir à l'éveil sur les bords de la rivière Niranjana. Alors il faut imaginer ce que c'est que ce travail sur soi, bien entendu, très grande austérité, des macérations qui font peur. L'ancien prince, si je puis dire, fait le vide en lui jusqu'à aller quasiment au bord de la mort, mort de faim, mort de soif. Il est suivi par 5 disciples, il marche comme ça jusqu'à Uruvela et c'est là qu'il aura son illumination, qu'il va devenir un Bouddha, le Bouddha Shakyamuni. C'était Ryushi Sakamoto, un extrait de la bande originale du film Little Buddha de Bernardo Bertolucci, sorti en 1993. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Et nous revenons avec vous, Franck Ferrand, à la vie de Bouddha. Eh oui, alors nous sommes donc en 523. Le personnage dont je parle, hein, ce Bouddha Shakyamuni, a vécu, évidemment, c'est un personnage historique, mais vous comprenez bien qu'étant donné l'importance très considérable que son enseignement et que son exemple ont pu avoir à travers les siècles, on a considérablement brodé sur sa vie. Hein, et c'est toujours très difficile, lorsqu'on fait le récit de cette vie, de faire le départ entre ce qui est historique et puis tout ce qui a bien pu être ajouté. Mais en tout cas, à l'âge de 36 ans, il devient donc un Bouddha, il devient une personne ayant cette illumination. Il est de plus en plus seul, il faut dire, hein, ses 5 disciples vont l'abandonner. Sur un lieu de crémation, il ramasse le sari en haillons d'une pauvre femme dont le cadavre a été brûlé, qui est fait de 9 pièces d'étoffe. Et c'est là, on pourrait presque dire que c'est le début des règles des moines bouddhistes, vous savez, dont les robes sont faites précisément de 9 pièces d'étoffe pour rappeler cela. C'est là que la religion, la tradition vont peu à peu se greffer sur la vie elle-même du Bouddha. En tout cas, c'est ainsi vêtu, si l'on peut dire, qu'il tend des journées entières son bol à aumône. Et puis, la nuit tombée, il s'assoit sous un arbre, sous l'arbre beau, sous un figuier, et il pratique la méditation. Alors, la première veillée, voilà ce qu'il se dit à lui-même. Assis dans la pose de la méditation pour la première veillée, la langue appuyée contre le palais, le souffle retenu, fixant, pressurant, triturant sa pensée. Le but, c'est d'atteindre à la maîtrise des sens, de l'imagination, à la suppression de la sensibilité, à un état de vide absolu. Tous ceux qui pratiquent la méditation comprendront bien de quoi je parle. Et puis, quand à la deuxième veillée, quand la lune est au plus haut, toute conscience de la personnalité étant abolie, s'élevant par l'esprit au-dessus du monde, alors le tourbillon du samsara lui apparut, nous disent les vieux textes. C'était le mécanisme même de la vie qui s'offrait à lui. Il voyait les êtres maîtres des êtres, les péchés des péchés, les vertus des vertus, et peu à peu la loi de ce vertige se dessinait. Quand la lune disparaît du ciel, on atteint à l'illumination, je cite les propos prêtés à Bouddha, tandis que je faisais ces découvertes, mon âme était délivrée du péché de convoitise, du péché d'attachement, du péché d'erreur, du péché d'ignorance. Dans le délivré, avec un grand D, s'éveilla la connaissance de la délivrance, j'étais devenu le Bouddha. Il va rester ainsi 49 jours sous son arbre avant d'aller prononcer son premier sermon à Isipatana, dans le parc des gazelles. Il s'agit du célèbre sermon de Bénarès, qui va servir en quelque sorte, et si j'ose cette expression, de credo au bouddhisme. Je cite le Bouddha. Voici aux moines la noble vérité sur la souffrance. La naissance est souffrance. La maladie est souffrance. La vieillesse est souffrance. La mort est souffrance. L'union avec ce qu'on n'aime pas est souffrance. La séparation d'avec ce qu'on aime est souffrance. L'impuissance à obtenir ce que l'on désire est souffrance. En bref, les cinq agrégats d'attachement sont souffrance. Voici, ô moine, la noble vérité sur la cause de la souffrance, c'est la soif, l'avidité passionnée qui conduit de naissance en naissance à chercher une nouvelle jouissance ici, une autre là, soif des plaisirs des sens, soif de l'existence et du devenir, soif de la non-existence. Voici, ô moine, la noble vérité sur la cessation de la souffrance. C'est la cessation complète de cette soif. C'est la non-attirance, le renoncement, la délivrance, le détachement. Au moment où Siddhartha a donc quitté son arbre, il dit à ceux qui l'écoutent « Je suis la flamme qui s'est éteinte ». Alors, on peut dire, et c'est toute la tradition bouddhique, qu'avec ce sermon, le Bouddha, a mis en route la roue de la loi, selon l'expression. Il est souvent d'ailleurs représenté, figuré sous la forme d'une roue. Le Bouddha dit « J'apporte le remède à toute souffrance, il n'est qu'un mal, l'ignorance, sois pur, ton salut est en toi ». Alors, le moyeu, si vous voulez, c'est la connaissance. C'est le Bouddha lui-même. Les rayons, c'est la doctrine qui va peu à peu se développer et ramifier, le Dhamma. Et puis, la jante de la roue, c'est la communauté elle-même. Ne demande pas de croire ni de prier. Le bouddhisme primitif, n'est-ce pas, n'est pas une religion. Il s'agit plus exactement d'une philosophie, d'une façon d'envisager la vie. Et c'est plus tard que le Bouddha va devenir Dieu, en quelque sorte. Ananda, son disciple, raconte que le Bouddha marche pendant 45 ans comme ça. Il n'entre jamais dans une ville après le coucher du soleil. Il vit pendant la journée d'aumône. Il fait un seul repas par jour à midi. Il va constamment témoigner. C'est sa propre parole. Et il marche comme ça, de ville en ville, de monastère en monastère. Peu à peu s'organise autour de lui cette fameuse communauté qui va être le bouddhisme primitif, bien entendu. Il rentrera, mais vraiment tard, il retournera à Kapilavastu pour voir son père, pour voir les siens, pour reconnaître aussi son fils, Rahula. Il faut savoir que sa femme avait accouché peu de temps avant son départ, donc il reconnaîtra ce fils. Et puis après avoir fait cette espèce de retour aux sources, il va se fixer au Magadha. Il reçoit à ce moment-là la visite d'un riche marchand qui va offrir à la communauté le parc du Jetavana. Alors, à partir de là, on entre vraiment dans une partie de la vie du Bouddha qui devient particulièrement romanesque, en quelque sorte. Il y a des moments qui sont de pure magie. Encore une fois, la tradition s'est emparée du personnage et aussi de son enseignement. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Et vous continuez cet après-midi, Franck Ferrand, nous conter la vie de Bouddha. Oui, alors le Bouddha, hein, ce personnage extraordinaire du 5e siècle, dont la vie évidemment a été ensuite constamment racontée. Il y a toute une tradition, il y a les fondements même d'une religion. On va venir d'ailleurs sur cette religion dans un instant avec Frédéric Lenoir. Alors, je vous ai dit qu'il s'était fixé au Magadha. Cette partie, toute cette partie de sa vie devient assez magique. Il y a l'épisode de Kravasti où il participe à une sorte de grand tournoi avec trois ennemis dont il triomphe complètement. Et il s'élève dans les airs, nous dit le texte ancien, le canon. Il atteignit la région de la lumière et n'y fut pas plus tôt que des lueurs multicolores s'échappèrent de sa personne, de la partie supérieure de son corps jaillirent des flammes et de la partie inférieure ruissela une pluie d'eau froide. Le Bouddha est devenu magique, disons-le. Il fait apparaître des lotus, etc. Bon, on est là dans toute cette, évidemment, dans toute cette hagiographie extraordinaire. Il faut dire que la fin de sa vie n'a pas été si sereine que cela. Un de ses cousins, qui était jaloux, a même été jusqu'à tenter de le tuer. il a été jusqu'à lâcher un éléphant furieux contre lui, sauf que, en vérité, la bête s'est arrêtée devant le Bouddha et s'est mise à l'adorer, nous dit là encore la tradition. À 80 ans, il dit à son disciple « Je suis vieux, Ananda, je suis un vieillard qui est arrivé au bout de son chemin. Soyez à vous-même votre propre flambeau et votre propre recours. Que la vérité soit votre seul guide. » Et à ses disciples, il dira « Mon existence touche à sa fin, le terme de ma vie est proche, je m'en vais et vous demeurez. » Il est malade, il est fatigué, il faut l'imaginer sur cette couche qu'on lui a préparée sur les bords d'une rivière. Sa dernière phrase sera pour Ananda « La doctrine que j'ai prêchée, voilà votre maître lorsque j'aurai disparu, dit-il. » Et ensuite il s'adresse à l'ensemble des disciples qui sont là autour de lui. « Voyez, ô moine, tout est périssable, ne relâchez pas vos efforts. » Ça aurait été ses dernières paroles. Il meurt à plus de 80 ans, à la pleine lune de novembre 478 avant notre ère. Un nouvel extrait sur Europe 1 de la bande originale de Little Buddha de Bernardo Bertolucci pour évoquer la vie de ce personnage qui a transformé, on peut dire, qui a contribué à transformer l'humanité. Bonjour Frédéric Lenoir. Bonjour Franck Ferrand. Votre ouvrage s'appelle « Du bonheur, un voyage philosophique » et vous nous mettez en contact en quelque sorte avec un certain nombre de ces grands sages qui ont contribué, je disais, à transformer l'humanité. Alors, on aura bien compris au cours de ce récit que on est constamment gêné lorsqu'on parle de personnages comme celui-ci par la quantité de traditions, de légendes, d'hagiographies qui sont venues se greffer sur la vie même du personnage. Le Bouddha a existé, lui, incontestablement. Oui, bien sûr, il y a un homme historique et puis après, il y a toutes les traditions, comme vous l'avez rappelé, qui ont été écrites au fil des siècles. D'ailleurs, on a des traces historiques qui ont été écrites plus de 5 siècles après la mort du Bouddha. Avant, ce sont des traditions orale. Et c'est pas ça qui, moi, évidemment, qui m'intéresse. Cette part-là, elle m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est le message philosophique du Bouddha, qui là est une révolution dans l'histoire de la pensée. Et c'est ce que j'ai essayé de montrer dans ce livre. Ça rejoint d'autres courants philosophiques de l'Antiquité. Et comme par hasard, au même moment, c'est assez extraordinaire, presque au même moment, nous y venons avec vous dans un instant. Franck Ferrand, 14h, 15h, sur Europe 1. Au cœur de l'histoire, cet après-midi, Franck Ferrand, vous nous parlez des grands maîtres spirituels de Socrate à Lao Tseu, avec votre invité Frédéric Lenoir, philosophe et sociologue, auteur notamment du Bonheur, un voyage philosophique aux éditions Fayard. Alors ce que vous nous disiez, Frédéric Lenoir, avant que je ne vous coupe dans votre élan, c'était justement que la partie intéressante pour vous, en tout cas dans cet ouvrage et dans l'approche que vous en avez du Bouddha, c'est sa manière de penser, c'est la révolution de pensée qu'il induit en vérité. Absolument, parce qu'on est dans une époque historique et où à peu près les choses se passent de la même manière partout, à savoir qu'on a des religions très importantes qui font des rituels et les gens pensent qu'en faisant ces rituels, ils vont avoir une sorte de salut dans l'au-delà. Ils vont se concilier la bienveillance voilà, des dieux. Exactement. Et le Bouddha, comme d'autres penseurs dont on va parler, nous dit non, ça ne marche pas. Les sacrifices des brahmanes ne servent à rien. Et donc il faut faire un travail sur soi. Il faut considérer son esprit, il faut travailler sur son esprit pour pouvoir obtenir non pas un salut dans l'au-delà, mais un bonheur ici et maintenant. Et c'est ça la grande révolution, c'est que les grands sages de l'humanité qui ont tous vécu pour la plupart aux alentours du 6e, 5e, 4e siècle avant notre ère, ce qui est une étonnante convergence, nous disent la même chose, à savoir que concentrons-nous sur cette vie-là, essayons d'arriver à la sérénité, à la paix dans cette vie, en travaillant sur notre esprit. Alors c'était le père Teilhard de Chardin qui, il y a quelques décennies, on ne va pas entrer là-dedans, ça nous entraînerait ailleurs. Il parlait de la noosphère et d'une sorte de coïncidence des idées qui surgissent à des endroits différents à peu près en ce même temps. Ce qu'on constate toujours aujourd'hui, vous avez une découverte scientifique dans un laboratoire aux États-Unis, quelqu'un d'autre fait la même en Europe, quasiment à la même minute. C'est... Donc ça, on l'explique pas, mais on constate qu'il y a effectivement des synchronicités de pensée, de découverte. Et là, ce cinquième siècle avant Jésus-Christ est un siècle très passionnant, 6-5e, puisque dans différents endroits du monde, de très grands sages sont en train d'essayer de justement de faire ce chemin sur soi et ce travail de l'esprit. Pour arriver au bonheur, ce qu'on appelle la sagesse, et d'ailleurs la définition même de la philosophie, c'est l'amour de la sagesse. Et Épicure nous dira très bien, la définition de la philosophie, c'est essayer de penser bien pour vivre mieux. Et je crois que ça n'a pas changé. Et pour moi, c'est ça qui m'intéresse dans la philosophie. Alors, ça veut dire qu'il n'y a pas de gratuité dans cette pensée. Hein. On est dans une approche qui tente d'obtenir un mieux, d'obtenir un bonheur, en fait. Il y a un but à la philosophie. Absolument. Il y a un double but. Je dirais qu'il y a un but de connaissance. Qu'est-ce qui est vrai? Donc, c'est la première recherche de la philosophie. Mais ça va de pair. Et un but pratique. Oui. Qu'est-ce qui, une fois qu'on connaît les choses, qu'est-ce qui me permet à moi et aux autres d'être dans la paix, de moins souffrir? Et je crois que c'est cette grande révolution philosophique qu'on voit et qu'on appelle la sagesse au 5e siècle avant Jésus-Christ, qui a apporté dans l'humanité ce désir d'un bonheur ici et maintenant, mais un bonheur qui n'est pas simplement le fruit des événements extérieurs, qui est le fruit d'un travail sur soi, d'une réflexion, d'une pensée, d'une connaissance. Et c'est ce qu'on va voir avec Confucius, Lao Tzu et Chuang Tzu en Chine. C'est ce qu'on va voir avec le Bouddha en Inde et les Upanishads. C'est ce qu'on va voir avec les grands prophètes d'Israël qui vont complètement bouleverser aussi la conception religieuse traditionnelle et qui se terminera avec le Christ. C'est ce qu'on va voir avec Zoroastre en Perse. C'est ce qu'on va voir avec Pythagore et puis ensuite Socrate, Aristote, Épicure, Platon en Grèce. Et donc on voit qu'à peu près partout, les questions sont les mêmes. Comment réussir ma vie? Qu'est-ce qu'être pleinement humain? Comment faire reculer la souffrance et faire grandir la joie? Et ça, c'est la sagesse. La sagesse, c'est ça, la sagesse. Cette quête de vérité et de bonheur à la fois. Exactement. Alors, pour clore le chapitre Bouddha, si je puis dire, on va voir se greffer peu à peu, bien entendu, des rites, des dogmes, etc. Donc, c'est bien une forme de religion. C'est une philosophie, mais en même temps, une religion qui se greffe là-dessus, assez exogène, en quelque sorte, à l'enseignement même du Bouddha lui-même. Ah, tout à fait. L'enseignement, c'était sortir de la religion, justement, en disant les rituels ne servent à rien et faites un travail par la connaissance, par l'esprit, par la raison, par l'expérience intérieure. Et c'est redevenu une religion. Et passer de l'extérieur à l'intérieur. C'est ça la grande histoire. Exactement. Et l'histoire, les hommes sont ainsi faits. On a eu la même chose avec Jésus. C'est exactement la même chose. L'histoire est ainsi faite que ses disciples ont progressivement recréé de la religion avec des rituels. On adore le Bouddha, on met des statues, de l'encens, etc. Bon, heureusement, la philosophie a pu perdurer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous rencontrez un maître zen ou un lama tibétain, même si la religion est présente, la philosophie est toujours présente, c'est-à-dire l'expérience intérieure, le travail sur soi est toujours présent, mais il est enveloppé, effectivement, dans toute cette culture religieuse qui n'était pas du tout le souhait du Bouddha. Alors, on a l'impression qu'avec le Bouddha, on cherche une sorte de quintessence des choses, hein, d'entrer en soi-même et d'aller chercher une vérité en soi. En Chine, avec Confucius, par exemple, on va parler de Confucius, de Lao Tzu, il faut peut-être d'ailleurs les définir d'abord, puisque expliquer. C'est pareil, on ne sait pas exactement quand ils ont vécu, tout ça est un peu flou et tout, mais on sait qu'il y a eu des personnages qui ont existé et qui ont lancé de nouvelles idées. Donc Confucius aurait été un lettré important qui a vécu dans le sud de la Chine, aux environs, contemporain du Bouddha à peu près. Hein. Et et on va voir la différence très intéressante avec le taoïsme, c'est qu'il recherche le bonheur, l'harmonie à la fois de l'homme et de la société. Il ne sépare pas l'individu du groupe. Donc là, on a quelque chose d'un peu moins, ce que je voulais dire justement, c'est que c'était quelque chose d'un peu moins intérieur en quelque sorte. C'est plutôt une philosophie déjà quasiment plus sociale, les deux, plus mondaine. Je dirais moins individualiste. Moins individuel. C'est-à-dire qu'effectivement, qui s'intéresse autant à l'individu qu'au groupe. Voilà. Et il ne sépare pas les deux. Alors que le Bouddha, il a complètement cassé le système des castes. Et lui, ce qui l'intéressait, c'est le salut individuel au sein d'une communauté, d'un groupe de disciples. Mais au fond, il se préoccupe plus de l'individu. Confucius considère que l'harmonie doit venir du bien-être de l'individu inséré dans un groupe harmonieux aussi. C'est-à-dire que la justice est très importante, le politique est très important. Et il calque son idée du bonheur, de la sérénité, par rapport à l'ordre céleste. Il regarde le ciel, parfaitement ordonné, et dit c'est parce que la société sera parfaitement ordonnée que les individus seront heureux. Et Lao Tzu et Chuang Tzu vont réagir et dire mais non. Alors ça, c'est ce qu'on appelle le taoïsme. Le taoïsme, hein. La vie, c'est pas comme ça. Faut pas regarder le ciel qui est parfait, faut regarder la terre qui est très imparfaite. Et si on regarde la terre, c'est du chaos. C'est en permanence du mouvement. C'est l'eau qui jaillit, c'est le feu qui jaillit, c'est l'imprévisibilité l'humilité. Et donc le bonheur, c'est pas d'essayer de trouver sur Terre un ordre céleste qu'on ne trouvera jamais, c'est de s'adapter au mouvement permanent de la vie. Et donc c'est plutôt le non-agir, il faut pas une morale rigide, il faut s'adapter aux événements, il faut être souple. On pourrait définir le taoïsme comme une philosophie de la souplesse, de l'adaptation. Et donc on a là un tout autre courant de sagesse qui vise aussi au bonheur par d'autres moyens, qui est la souplesse de l'esprit, la capacité de se remettre tout le temps en cause et de s'adapter. Alors ce qui est assez fascinant, c'est que ces variantes d'une même quête, on va les retrouver quasiment identiques en Occident. Nous y venons en votre compagnie, Frédéric Lenoir, dans un instant. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Sur Europe 1, on écoute un extrait de la mort de Socrate. De Socrate à Lao Tzu, la quête de la sagesse est à l'honneur dans Au cœur de l'histoire cet après-midi. Avec vous, Franck Ferrand, et votre invité, Frédéric Lenoir, philosophe et sociologue, auteur notamment du Bonheur, un voyage philosophique aux éditions Fayard. Alors justement, venons un peu de ce côté-ci, hein, en Occident, on parlait de Socrate. Il y a, me semble-t-il, entre la philosophie d'un Aristote et celle d'un Platon, le même genre de différence qu'il y avait entre celle de Lao Tzu et celle de Confucius. D'un côté, l'idée, la théorie, et de l'autre, la pratique et l'adaptation, en quelque sorte. Alors c'est vrai qu'on trouve des fois plus de différences au sein d'une même ère culturelle, c'est ça, hein, ouais. Comme vous le dites très justement, que entre diverses aires culturelles différentes, qui montrent que finalement, il y a des pensées universelles qu'on va retrouver un peu partout, et les mêmes débats ont lieu aussi bien en Orient qu'en Occident. Et un des débats les plus importants, c'est effectivement, est-ce que le bonheur, est-ce que la sérénité, la paix, quel que soit le nom qu'on lui donne, le mot bonheur n'existe pas dans toutes les cultures, mais ça revient au même, cette idée d'une paix profonde, d'une joie qui est le rayonnement du bonheur. La recherche d'une paix, oui, bien sûr. Voilà. Hein. Est-ce que ça s'obtient par exemple le travail sur le désir? Et vous avez une convergence très forte où le Bouddha et les stoïciens vont dire oui, c'est parce qu'on va réussir à supprimer le désir attachement qu'on sera heureux. Et donc tous les efforts sont faits, et ils disent exactement la même chose. Oui, le détachement stoïcien est très proche. Hein, c'est le détachement bouddhiste. Et ils nous disent, au fond, ce qui rend l'homme malheureux, c'est l'insatisfaction permanente de ses désirs. Et tant qu'il continue de désirer toujours quelque chose, il sera malheureux. Et donc il faut aller à l'origine du problème, qui est la soif attachement. Et il s'agit donc de s'attaquer à l'esprit, parce que le désir va naître de cet attachement de l'esprit. Et donc, une fois qu'on travaille sur l'esprit, on peut jouir des choses sans s'y attacher. Et c'est ça qui nous rend heureux, parce qu'on accepte qu'elles partent, on accepte qu'elles disparaissent. On n'est plus dans l'attachement. Mais à côté de ça, vous avez d'autres philosophies qui sont pas du tout d'accord avec ça. Et par exemple, je parlais de Montaigne, on parlait tout à l'heure de Lao Tzu, de Chuang Tzu. Montaigne est tout à fait d'accord avec eux pour dire que c'est très bien d'avoir des désirs, qu'en fait, il faut pas tellement travailler sur le désir, même s'il faut savoir limiter ses désirs. On est plus aristotélicien, en quelque sorte. On est plus aristotélicien et épicurien, d'une certaine manière. Épicurien, d'ailleurs. Que les plaisirs sont très bons et qu'il faut accepter d'avoir des souffrances liées à l'attachement. Par exemple, quand on perd un ami, on va le pleurer. Et donc, ils vont nous dire, au fond, acceptons la vie telle qu'elle est, avec les hauts, les bas, avec les joies, avec les tristesses, avec les moments difficiles. Et le bonheur viendra de l'amour de la vie. C'est parce qu'on aime la vie telle qu'elle est, avec sa souffrance également, qu'on pourrait être dans la paix profonde. Mais alors, lorsque nous avons préparé cette émission, nous nous sommes parlé au téléphone, Frédéric Lenoir, et vous m'avez dit une chose qui m'a frappé, qui m'a semblé très vraie, c'est qu'avec le christianisme, cette recherche du bonheur est en quelque sorte décalée, différée. On ne recherche plus le bonheur en ce monde. Absolument. Alors là, il y a un grand tournant qui a lieu avec le christianisme, donc au début de l'ère chrétienne. Alors que les sagesses antiques, et notamment en Occident, mais c'était pareil en Orient, recherchent un bonheur ici-bas, le message de Jésus va être de nous dire, il ne nie pas du tout la possibilité d'un bonheur ici, mais il dit le vrai bonheur est ailleurs. Le vrai bonheur, il est dans l'au-delà, c'est la vision béatifique, c'est la vie en Dieu, et la vraie béatitude, c'est finalement dans l'au-delà. Et le message chrétien va durer quand même quand même pendant plus de 15 siècles, il va imprégner toute la société européenne. Et du coup, finalement, on va finir presque par mépriser, ce qui n'était pas le cas de Jésus, mais on va aller beaucoup plus loin. On va mépriser le bonheur terrestre. Et au nom d'un bonheur parfait dans l'au-delà, on dira aux gens, vous pouvez souffrir, vous pouvez supporter n'importe quoi, voire vous devez souffrir. Ce qui est une hérésie totale, même par rapport au christianisme de Jésus. Mais quand même, c'est ça qu'on va vivre historiquement. Et donc, il va y avoir une réaction forte à la Renaissance, des premiers penseurs de la Renaissance. La Renaissance, au sens propre, c'est la redécouverte des textes antiques. Absolument. Et donc, on retrouve le cette quête de sagesse. Mais voilà, hein. Socrate, on redécouvre les anciens. Et donc, qui sont les premiers philosophes de la Renaissance qui vont nous dire, mais attendez, il faut être heureux ici et maintenant et ne pas différer le bonheur? Et ben, par exemple, c'est Montaigne, qui est un des tout premiers lecteurs des stoïciens et qui va s'inspirer des stoïciens tout en disant qu'il n'est pas stoïcien parce qu'il serait bien incapable de, effectivement, d'avoir cette ascèse qui est extrêmement difficile de ne s'attacher à rien. Mais il va faire une sorte de stoïcisme mélangé d'épicurisme avec son côté bon vivant et il va nous développer une philosophie du bonheur ici et maintenant à taille humaine. Et puis vous avez Spinoza. D'un bonheur accessible. C'est peut-être ce qui nous le rend tellement sympathique, aimable, et aimable et moderne, et accessible. Et d'ailleurs, il a une phrase très drôle. Il dit, j'admire énormément le Christ, mais je serais parti en courant s'il avait été question de me crucifier. J'ai beaucoup d'admiration pour Socrate, mais si mon petit doigt avait été menacé par une loi, j'aurais été vif sous d'autres lois. Donc on voit très bien qu'il est proche de nous, parce que ce n'est pas un super-héros. Et en même temps, il développe des éléments dans sa philosophie d'une sagesse concrète. On parle de Montaigne. D'une sagesse très concrète, des petites choses, de savoir s'adapter, d'être souple, de regarder la vie avec cette distance, cet humour, qui fait qu'on peut vraiment être heureux en étant un disciple de Montaigne par ces petites choses du quotidien. Et puis alors vous avez d'autres philosophes comme Spinoza qui est extrêmement important. Spinoza va revenir à quelque chose de plus fondamental. Donc là, il trouve que Montaigne c'est sympathique, mais qu'il faut aller plus loin. Et Spinoza, c'est le premier grand psychologue des temps modernes. Il va étudier la nature humaine, toutes ses passions, ses émotions, et il va montrer qu'on est mu par deux grands sentiments qui sont la tristesse et la joie. Et il nous dit tout ce qui nous met dans la joie, c'est ce qui nous fait grandir. Tout ce qui nous met dans la tristesse, c'est ce qui nous diminue. Et donc tout le but de la vie humaine, c'est d'arriver par la connaissance et par la raison à savoir ce qui nous convient et ce qui nous convient pas. Et ce qui nous convient pas, faut l'éliminer, c'est ce qui nous met dans la tristesse. Ce qui nous convient, c'est ce qui nous met dans la joie. Et donc faut avoir de la lucidité, de la connaissance de soi pour s'associer à ce qui nous convient, que ce soit dans les choses pratiques, dans les relations ou dans les idées. Et donc Spinoza est un extraordinaire psychologue et qui va développer toute une philosophie de la joie très profonde que j'essaie de résumer de manière simple dans ce livre, ce qui est pas facile parce que c'est un philosophe difficile. Et là, il rejoint aussi l'Orient. On retrouve des ponts extraordinaires entre Spinoza et ce qu'on appelle la non-dualité indienne, c'est-à-dire la philosophie hindoue, qui nous disent qu'au fond, il n'y a pas de différence entre l'homme et le monde et qu'il ne faut pas séparer totalement l'humain de la nature et que la compréhension profonde de l'être, c'est que nous ne sommes pas séparés du monde. Et que c'est notre ego qui fait qu'on se veut totalement individuel, séparé de tous les autres. On se coupe. Et du coup, on veut dominer l'autre. On veut se protéger. Et on rentre dans la peur. Et donc, faut comprendre qu'on est une partie du monde. Ça, c'est toute l'aspiration des Lumières à un bonheur, c'est Rousseau, hein, un bonheur qui soit collectif, qui ne soit plus seulement un bonheur personnel. Et alors ça, effectivement, Spinoza va ouvrir la voie aux Lumières. C'est sans doute le premier penseur des Lumières, puisqu'il va déjà nous dire ce que vont nous dire tous les philosophes des Lumières, Rousseau, Voltaire, Kant, etc., c'est que de toute façon, le bonheur individuel doit s'inscrire dans un bonheur collectif, qui est celui d'une cité harmonieuse, avec une politique juste. Et c'est la naissance des droits de l'homme. Et on va retrouver, donc, avec les Lumières, un moment très important de l'histoire de la pensée occidentale, où à nouveau, le bonheur va s'inscrire dans la réalité quotidienne, mais on lira toujours le bonheur individuel et le bonheur collectif. Le bonheur de l'individu doit participer au bonheur collectif et doit servir le bonheur collectif et le collectif doit être au service du bonheur individuel. Des études scientifiques, écrivez-vous, confirment bel et bien que le bonheur est contagieux. Le bonheur, c'est comme une onde de choc, affirme Nicolas Christakis, qui est professeur de sociologie à l'université de Harvard et auteur d'une étude menée 20 ans durant sur près de 5000 individus. Le bonheur des gens dépend du bonheur des autres auxquels ils sont connectés, ce qui nous permet de considérer le bonheur comme un phénomène collectif, confirme l'étude qui précise même, nous dites-vous, ce qui fait un peu sourire, que chaque ami heureux augmente de 9% notre probabilité d'être heureux, tandis que chaque ami malheureux fait chuter notre capital de bonheur de 7%. Car si notre bonheur concourt à celui des autres, la réciproque est tout aussi vraie. À l'inverse, le malheur est lui aussi contagieux. Oui, alors c'est une des choses qui m'a semblé très importante, c'est qu'écrire un livre de philosophie aujourd'hui sans parler de la science, ce serait trop dommage, puisqu'on a fait des découvertes depuis 40 ans extraordinairement intéressantes sur le comportement humain, sur le cerveau humain, et donc j'ai cherché dans ce livre à confronter toutes les grandes théories philosophiques du bonheur de la philosophie avec les découvertes scientifiques. Et on voit que dans la plupart des cas, la science va valider les intuitions des philosophes, hein, je le cite par rapport à Schopenhauer. C'est toujours la recherche d'une raison et d'une connaissance en absolument. Même temps, bien entendu. Absolument. Et des fois va infirmer. Il y a aussi des cas où on peut dire, tiens, cette chose, par exemple, il y a tout un certain nombre de débats qui ont été pu être tranchés par la science sur la place, par exemple, il y a un vieux débat philosophique. Est-ce que c'est l'émotion qui précède la pensée ou la pensée qui précède l'émotion? Et c'est vrai que la science nous montre l'importance fondamentale des émotions. C'est-à-dire qu'on voit très bien que notre cerveau produit des substances chimiques par les neurotransmetteurs. Ça, ce sont les penseurs optimistes, en quelque sorte, mais il en existe de pessimistes qu'on connaît bien. Je pense à Freud, par exemple. Alors, Freud, par exemple, effectivement, est un penseur pessimiste, comme Schopenhauer et d'autres. Schopenhauer, bien sûr. Qui, eux, nous disent que le bonheur, ça n'existe pas, puisque, de toute façon, l'être humain est mu, et on revient au Bouddha par le désir, qui sera toujours un perpétuel insatisfait. Et Schopenhauer nous dit, la vie humaine, on passe en permanence de la souffrance liée au désir insatisfait à l'ennui. C'est-à-dire qu'une fois qu'on souffre plus, on s'ennuie. Bon, ça c'est la vision radicalement pessimiste. À ça, on peut opposer une vision beaucoup plus optimiste que je partage, qui est que en fait, on peut tout à fait connaître un bonheur stable, durable, en faisant un travail sur soi. Ce n'est pas inné. Je crois que, et ce que montrent les études scientifiques d'ailleurs, c'est que il y a une part du bonheur inné. On pourrait dire qu'à peu près 50% du bonheur, ça vient de nos gènes. Ça vient de notre héritage familial. Ça vient de, est-ce qu'on a un tempérament familial, optimiste, culturel etc., oui. Est-ce qu'on a une nature joyeuse ou pas, gay ou pas, triste ou pas. Bon. Mais 50%, ça relève de nos efforts, de nos choix. On peut faire des mauvais choix de vie et être très malheureux à cause de ça. On peut faire des bons choix de vie et être heureux. Et donc, je crois que c'est très important. Ne gâchons pas cette possibilité qu'on a, effectivement, d'être heureux, c'est-à-dire de faire durer le plaisir. Puisque je rappelle, et c'est ma conviction fondamentale, que le bonheur, c'est toujours un plaisir. Plaisir du corps, plaisir de l'esprit, plaisir de l'amitié. Mais c'est un plaisir qu'il faut savoir faire durer en faisant des choix. Et en ayant plaisir stable et durable, écrivez-vous. Et global. Ouais. C'est un équilibre, en fait, voilà. Le bonheur. C'est une harmonie. C'est Catherine qui nous demande par Internet si l'intérêt croissant de nos concitoyens pour la philosophie bouddhiste n'est pas un signe positif. On a envie de lui dire que, par rapport à ce que nous avons dit tout à l'heure, la philosophie bouddhiste n'est pas la seule à donner des leçons de bonheur et de détachement. Hein. On parlait des stoïciens, par exemple. Mais l'intérêt pour la philosophie bouddhiste s'accompagne d'un intérêt pour la philosophie grecque. Et pour la spiritualité en général. En général, c'est-à-dire au fond des expériences que chacun peut faire et des réflexions que chacun peut mener pour aider à se connaître et à vivre mieux. La philosophie, je le redis, c'est apprendre à penser juste pour vivre mieux. Voilà le petit bréviaire de Frédéric Lenoir, Du bonheur, un voyage philosophique, c'est aux éditions Fayard. Merci beaucoup Frédéric Lenoir, comme toujours avec vous, ces notions qui pourraient paraître parfois complexes deviennent d'une limpidité tout simplement lumineuse. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et vous répondez, Franck Ferrand, à la question de Laure, hein, qui nous l'a envoyée sur la page Facebook de l'émission. Elle nous écoute au Vietnam et elle aimerait savoir à quand remonte l'origine et l'utilisation des lunettes. Ah oui, bonjour Laure, ça fait plaisir de savoir qu'on est écouté si loin là-bas du Vietnam, vous imaginez. Alors on parlait d'Aristote à l'instant, figurez-vous qu'Aristote déjà évoquait les principaux problèmes de vision. La myopie, la presbytie notamment, n'avait pour lui aucun secret. Et l'on sait aussi, en tout cas c'est ce que nous raconte Pline, que Néron, lorsqu'il regardait des combats de gladiateurs, le faisait à travers une émeraude. Alors, est-ce que le but, c'était de corriger sa vision ou simplement, vous savez, il était un peu bizarre, hein, Néron. En tout cas, voilà, cette pratique est sans doute très ancienne. Aux alentours de l'an 1000, on va dire dès l'an 990 de notre ère, Alhazène, qu'on appelle, enfin, c'est le nom qu'on lui donne en Occident, il s'appelait Ibn al-Haytham al-Hazin, c'était un mathématicien, un philosophe perse, avait compris qu'en utilisant certains verres à face arrondie, on pouvait non seulement grossir, mais améliorer la vision. Et il a beaucoup étudié l'optique. On ne sait pas quelles conséquences vraiment pratiques il en avait tirées. Ce qui est certain, Et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure du nom de la rose, parce qu'Umberto Eco, puis Jean-Jacques Annaud, évidemment, se sont amusés avec ça. C'est que c'est vers le XIIIe siècle que vont naître les lunettes. Hein. Vous avez des verriers italiens qui constatent que lorsque vous utilisez des verres à surface convexe, eh bien, vous pouvez améliorer la vue, notamment pour les personnes qui commencent à avoir un peu la vue basse dans mon genre. Au XIIIe siècle, à Florence, le physicien Salvino degli Armati va mettre au point une paire de verres enchâssés dans un cercle de bois. Vous voyez que là, on est très très proche des lunettes. Certains disent que c'est Bacon, c'est le moine franciscain anglais qui aurait inventé les lunettes. En tout cas, on est toujours vers cette fin du XIIIe, début du XIVe siècle. Certains disent aussi que ce serait un dominicain italien qui s'appelait Alessandro Spina. Chacun a son inventeur des lunettes. En tout cas, c'est bien à cette époque que ça voit le jour. Et ce qui est très extraordinaire, c'est de voir les premières représentations qu'on en a, notamment cette fresque datée de 1352 par Tommaso da Modena, ce qui représente Hugues de Saint-Cher, un moine copiste dominicain à l'église Saint-Nicolas de Trévis, qui porte des binocles au bout du nez. Alors après, je vous rappelle la Vierge aux chanoines van der Pel de Jan van Eyck, etc. On va voir des lunettes apparaître de plus en plus dans l'art. Mais les lunettes telles que nous les connaissons, avec les montures qui vont jusque derrière les oreilles, ça c'est une invention vraiment beaucoup, beaucoup plus récente. Alors, je voulais vous signaler qu'à partir de demain, samedi 9 novembre, la Fondation du patrimoine lance une souscription nationale pour restaurer, vous savez, l'immense croix de Lorraine, là-bas à Colombey, les deux églises, à côté de la sépulture du général de Gaulle. Cette souscription nationale est donc ouverte demain et pour se renseigner, il suffit d'aller sur le site de la Fondation du patrimoine, fondation-patrimoine.org. Bonjour Elena Mornin. Bonjour Franck, bonjour à tous. Aujourd'hui avec les experts Europe 1, on vous propose de remettre vos lunettes pour essayer de chasser, d'observer, de voir, de traquer les micro-organismes qui s'invitent dans nos cuisines. Il va falloir de bonnes lunettes là. Et il paraît que nos lunettes de toilette, pour faire un rapport avec les lunettes, seraient beaucoup plus propres que nos plans de travail en cuisine. Ça donne envie de les nettoyer. Et bien c'est ce qu'on vous propose de faire ensemble. 39 21 pour vos questions ou europe1.fr. Franck, merci beaucoup. Nous nous retrouvons lundi. Céline. Au revoir Franck, bon week-end. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.